Aujourd'hui, nous avons fait un long interview avec Ali, un Afghan qui a 20 ans et qui a dû quitter son pays quand il avait 15 ans. Pendant ces années, il a traîné en Iran, Dubaï, Turquie, Grèce, Bulgarie, Hongrie, Autriche, etc. Il ne peut pas rentrer dans son pays à cause des talibans et du conflit avec l'OTAN. Nous raconterons l'histoire de ses voyages à une autre occasion. Aujourd'hui, Ali et son ami et traducteur Benjamin racontent de la vie des migrants à Calais et leurs perspectives pour l'avenir. Ali est arrivé de Paris à Calais en train parce qu'il avait entendu parler de Calais et qu'on lui avait dit qu'on pouvait passer de Calais à Londres. بعدش دیگه تو همین روزگار افتادیم که نه شب خواب داریم نه روز خواب داریم نه جایی داریم Now he's complaining about the Cali police, and he says every morning, every night, every day. Il se plaint de la police de Calais. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ils nous arrêtent, ils nous contrôlent. Parfois, ils nous amènent au commissariat de police. Ils font des empreintes digitales, des interrogatoires, etc. T'as été au commissariat de police? Have you been in police station? آره بودیم دیگه پلیس استیشن با هم نگرفتن مگه he was in luck ویدیویش هم داره they okay they didn't take his fingerprint just they took him to il y a été mais ils n'ont pas pris ses empreintes ils l'ont gardé pendant une heure et puis on lui a dit casse-toi okay go out where are you sleeping we have no place everywhere Everywhere we find 2-3 hours we are sleeping, then all the day we are walking. Yeah, we just wasting our time. اینم بهش بگین که زدن ما رو گروپ گرفتن ویدیو اینم داریم. Okay, so one day the police they. Où est-ce que tu dors? Partout. On dort 3-4 heures et puis on se promène. Nous perdons notre temps. Un jour, la police l'a tabassé. Près des ponts, dans le centre de Calais. Ils l'ont frappé sur la tête. Nous avons des photos de ça. We have some pictures as well. If you can tell us more about the conditions of living for the migrants in Calais at the moment. Where do they sleep? How many people? What do they eat? I think there is 800 or more, more than 800 people in Calais, immigrant, and. Some of us they sleep in they've been asleep in jungle, but the jungle destroyed, like Pashtun, like Hazara jungle, like Iranian jungle, like Iranian camp as well. They've been destroyed. Some people they moved to Paris, some people they moved to the town. Wherever you go, you will see so many. Est-ce que tu peux nous raconter plus sur les conditions de vie des migrants à Calais? Je pense qu'il y a plus que 800 migrants à Calais. La plupart dormaient dans les jungles, mais les jungles ont été détruites. Les jungles des Pashtuns, Hazara, Iraniens, certains ont déménagé à Paris. D'autres se sont installés dans la ville même de Calais. Partout, tu vois des gens qui dorment, qui se promènent. Tous les jours sont les mêmes. Parfois, ils peuvent prendre une douche. Parfois, ils cherchent à manger chez les associations humanitaires. Puis, ils essaient de traverser à Londres parce qu'ils pensent qu'ils auront une meilleure vie et qu'ils seront en sécurité. They think they have better life in London, better than here or other country. They will be safe. Yeah. Any other question? و از اسنادم دیگه براش توضیح بده چرا ما نمیخوایم اینجا باشیم توی فرانسه Okay, some people they've been asked why you don't want to stay in France. The thing we don't want to stay in France because of the condition in France. If we apply to stay here, we don't know. Certaines personnes demandent pourquoi on ne veut pas demander asile en France. Eh bien, c'est à cause des conditions ici en France. Si nous faisons la demande, Nous resterons peut-être 3-4 ans sans réponse. Just like this, yeah. But can you work in the meantime? Sorry? Can you work in the meantime if you apply for asylum in France? I think yes, we can work, but to find the work, to find the job. Est-ce que tu peux travailler pendant ce temps? Je pense que c'est possible, mais trouver du boulot ici est très difficile. Il y a trop de jeunes en France sans boulot et ils disent que c'est à cause de l'immigration. Anything else? What is France compared to Greece and Italy? Sorry? What is France like? You've been in Greece, you've been in Italy, you've been in other countries, so... Comment est la France en comparaison avec la Grèce ou l'Italie? En ce qui concerne la police, c'est le même. La France est un pays cher. La Grèce est mieux dans ce sens-là. Comment est la France en comparaison avec la Grèce ou l'Italie? En ce qui concerne la police, c'est le même. La France est un pays cher. Et la Grèce est mieux dans ce sens. But Greece is better than here. But any. مشکل دیگه این است اگر من اپلای کنم واسه چی شاید منو برگردانن به یونان چون که say if I apply for asylum here they will find. Si je demande l'asile en France, ils vont prendre mes empreintes digitales. C'est sûr qu'ils vont demander à la Grèce s'ils me connaissent. Les Grecs, ils vont dire oui. Renvoyez-le nous. Dans ces cas, si tu es renvoyé, tu passeras d'abord 3 ou 6 mois en prison. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'ils me renvoient, peut-être pas. Cela dépend de la Grèce et de la France. Depends to Greece and France. دیگه برای ما فرقی هم نداره هر کشور اروپایی باشه تا ما به حق خود برسیم. Okay, he just say actually we looking for safe to be safe. Any other country? En fait, on veut être en sécurité dans un pays. Italy, sauf la Grèce, l'Italie ou la France. Donc les conditions dans les autres pays sont mieux qu'en Italie, la Grèce ou la France. Par exemple, la Belgique est mieux. Le Danemark est le meilleur pays. Et la Norvège aussi est bien. Denmark is better than everywhere. Norway is better.